Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la guerre de sécession au cinéma américain. Partez, où vais-je aller? Que vais-je devenir? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. C'est sur ces paroles que se termine le classique du cinéma américain « Autant en emporte le vent ». Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Frankly, my dear, I don't give a damn. Cette réplique, cette célèbre réplique, va d'ailleurs être décrétée plus grande réplique du cinéma américain par l'American Film Institute en 2005. « Autant en emporte le vent », bien sûr, qui va compter également dans ce palmarès des grands films dans l'histoire du cinéma américain. Et ce film fait partie des très nombreux films américains dont l'action se déroule durant la guerre de sécession. Le Congrès ne doit jamais déclarer égaux ce que Dieu a créé inégaux. Tu veux essayer de faire passer l'amendement pour abolir l'esclavage. Personne n'est aimé autant que toi par son peuple. Ne gâche pas ce pouvoir. Et le 1er février prochain, j'ai l'intention de signer le 13e amendement. Un combat comme celui-ci, c'est un combat à mort. Ces sudistes viennent nous proposer la paix. L'abolition de l'esclavage règle le sort non seulement de millions d'hommes en servitude, mais aussi de millions qui pourront naître libres. C'est soit l'amendement, soit la paix avec les confédérés. On ne peut pas avoir les deux. L'esclavage, monsieur, c'est fini. Lincoln, le film de Steven Spielberg, réalisé en 2012. Autre film, donc, autour de ce thème, de ce grand thème de la guerre de sécession. Cette guerre civile, je vous le rappelle, qui va diviser les États du Nord et du Sud des États-Unis entre 1861 et 1865 sur la question de l'esclavage. Ce thème de la guerre de sécession est l'un des plus présents de toute l'histoire du cinéma américain. Pourquoi? Le chroniqueur Michel Coulombe, co-auteur du Dictionnaire du cinéma québécois, est avec nous pour essayer d'y voir un peu plus clair. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un thème qui va revenir sans cesse. Autant en emporte le vent, 1939, et ce n'est pas le début des films autour de ce thème de la guerre de sécession. Lincoln, 2012, et ce n'est pas le dernier à parler de cette question-là non plus. Pourquoi, Michel Coulombe, autant de films touchant la guerre de sécession? Parce que c'est une grande blessure pour les Américains. C'est le Nord contre le Sud, ce sont les valeurs des uns et des autres. Il y a encore des sudistes hein, convaincus. Il y a encore cette problématique afro-américaine aux États-Unis qui était au cœur de l'affrontement entre donc l'Union et puis les Confédérés. Le clivage est toujours là d'une certaine façon. On dit toujours, quand on regarde les élections américaines, on va toujours parler de ce bloc du Sud, du rapport qu'on a effectivement aux uns et aux autres, les Blancs et les Noirs. Donc ces questions-là sont toujours présentes. Et il y a, chaque fois qu'il y a une nouvelle guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, ben, cette caisse de résonance qui est effectivement la guerre ancienne de la guerre de sécession, donc cette guerre à laquelle on peut se référer pour parler des événements présents. Est-ce que ça va beaucoup évoluer, Michel, au fil du temps, la manière dont on va... le regard qu'on va poser, au fond, sur cette guerre de sécession? Considérablement. Ben, d'une part, quand on commence à la période du muet, ben, y a des gens qui ont été témoins de l'histoire, qui sont toujours vivants. C'est 50 ans après. Donc, effectivement, il y a encore cette proximité. Par ailleurs, selon qu'on est du Nord et, ou du Sud, ben, on raconte pas la même histoire. Et selon le contexte, le moment même où on raconte l'histoire, ben, notre point de vue ne sera pas le même. Ouais. Pendant la guerre du Vietnam, effectivement, on s'est servi de la guerre de sécession pour dire, ben voilà, la guerre, ce que ça fait. C'est sale, c'est laid et c'est bête, c'est stupide. Enfin, toutes les dénonciations y sont passées. Donc, effectivement, le moment où on raconte, les personnes qui racontent et puis le contexte, tout ça sont des éléments de... qui influence le récit. Alors, prof Coulombe, on va y aller de manière assez systématique. Il y a quelques catégories de films qui tourneront autour de cette guerre de sécession. La première catégorie, c'est les films vraiment qui s'intéressent spécifiquement à la question raciale. Monsieur le gouverneur, vous connaissez mon fils. Oui, ravi de vous revoir, Robert. Monsieur le gouverneur. Robert, je te présente Frédéric Douglas. Monsieur Douglas. Vous pourriez m'être précieux, Robert. Le gouverneur propose la création d'un régiment de soldats noirs. Non, non, non, elle n'est pas que de moi, cette idée. Monsieur Douglas et d'autres... Nous allons offrir fierté et dignité à ceux qui n'ont eu à connaître que dégradation. Des soldats de couleur, Robert, tu imagines? Magnifique. J'ai proposé votre nom, Robert, pour prendre la tête du 54e d'infanterie du Massachusetts en tant que colonel. Merci, gouverneur, c'est une merveilleuse idée. Extrait du film Glory, un film qui a été réalisé par Edward Zick en 1989. Pourquoi avoir choisi ce film-là, Michel Coulombe? De la même façon qu'en France, avec Indigènes, on a réhabilité la place que les Africains ont pu occuper pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur rôle, et donc ils étaient là, et certains ont été tués. Ben, les Américains ont mis du temps, et il a fallu donc 1989, Glory, pour parler du 54e régiment qui s'est impliqué dans cette guerre-là, mais qui a donc été un régiment constitué essentiellement de Noirs. C'est arrivé aussi à un moment où il y avait un védétariat afro-américain qui prenait place, parce que ça a mis du temps aussi à Hollywood à reconnaître la place des acteurs afro-américains. Donc, dans ce film-là, Denzel Washington, Morgan Freeman, donc on a des figures héroïques, des acteurs qui peuvent effectivement réunir, rassembler, fédérer des spectateurs noirs et blancs. Donc, c'est un film qui est très proche, en fait, qui nous raconte une page précise de l'histoire, ce 54e régiment. Autre film, là, on est plus dans la grande histoire, la grande fresque, mais Lincoln, on entendait l'extrait, là aussi, témoignage important de cette question raciale. Oui, Spielberg avait rencontré une historienne qui préparait un livre sur Lincoln. Il lui avait dit, avant même que ce soit publié, écoutez, dites à votre éventuel éditeur que Steven Spielberg veut en faire un film. Et il s'était lancé dans l'aventure avec un auteur auquel il avait demandé d'adapter tout le livre. Et là, on avait une histoire qui aurait fait des heures et des heures et des heures. Pour se rendre compte que c'était pas possible, on s'en allait vers une saga télévisuelle. Ouais. Et comme il s'était déjà intéressé, pensez à Color Purple, à la question des Noirs aux États-Unis, ben, il s'est concentré sur cette petite partie de l'histoire, c'est-à-dire qui est un grand moment de l'histoire américaine, mais c'est la façon dont on a adopté le 13e amendement qui abolit définitivement donc la question de l'esclavage avant que la victoire du Nord sur le Sud soit totale. On voulait être certain que ce soit dans la Constitution américaine, ce soit donc le combat de Lincoln, et puis tout de suite après sa mort. Donc c'est cette période-là qui est racontée par Steven Spielberg. Dernier exemple de film qui touche directement la question raciale, la question des Noirs aux États-Unis. Ça nous ramène à l'époque du muet, parce qu'on l'oublie, mais déjà, à l'époque du cinéma muet, la guerre de sécession fait partie du cinéma américain avec un classique de David Ward Griffith, La naissance d'une nation, réalisé en 1915. C'est un film très intéressant, très important. Et très dérangeant. Oui. Parce que Thomas Dixon Jr., donc, qui est l'auteur qui a adapté Griffith, avait une hantise des rapports interraciaux. Pour lui, se marier entre noir et blanc, c'était une chose innommable. Et il avait vu donc une œuvre abolitionniste, ça l'avait franchement choqué, il avait écrit une pièce et c'est ce que va adapter Griffith. Griffith, faut quand même le dire, c'est le fils d'un officier sudiste, sa famille a été ruinée au moment de la guerre de sécession, donc il y a dans sa propre histoire des traces de cette guerre de sécession. Et il va faire un film qui est extrêmement innovateur sur le plan cinématographique, extrêmement dérangeant dans son rapport, effectivement, à ces questions-là. Parce qu'on va utiliser, par exemple, des membres du Ku Klux Klan comme promoteurs du film. C'est-à-dire, aux premières, vous allez voir des gens qui portent la capuche, la robe, et qui sont là comme des éléments promotionnels. Ce sera d'ailleurs des produits dérivés du film. On vendra ces vêtements-là. Ouais. Un spectateur ira voir le film et aura l'idée de relancer le Ku Klux Klan. Vous voyez à quel point... Donc, impact direct sur l'histoire. Direct. Se sont mobilisés des tas de personnes pour l'empêcher, la diffusion du film dans certains États. On a annoncé, quand le film allait sortir, qu'il y aurait des centaines de milliers de morts dans le Sud, ce qui ne s'est pas produit, mais il y a eu effectivement des mouvements de protestation, notamment en Boston, mobilisation dans les rues, des gens qui ont pris la parole. Et c'est un film qui pose toutes les questions de la liberté d'expression. Parce que dire quelque chose de détestable, y avoir le droit de le dire, est un débat qu'on voit régulièrement et encore aujourd'hui. Et dans ce film-là, il y avait notamment le blackface, qui est une chose assez effrayante, c'est-à-dire se dire qu'il n'y a pas d'acteurs noirs suffisamment bien pour jouer les rôles de noirs, donc on prend des blancs et puis on les maquille, ça devrait faire. Vous voyez le genre de problème. Et puis les noirs étaient présentés comme des prédateurs sexuels, comme des voyous, les gens du Ku Klux Klan comme des sauveurs. Est-ce que ce point de vue-là, Michel, c'est plus que sudiste, c'est carrément raciste, est-ce qu'il sera... Est-ce qu'il y aura beaucoup de films autour de la guerre de sécession qui auront ce point de vue-là, ou si c'est plutôt le point de vue du Nord qui nous sera présenté? On présentera autant de films qui ont le point de vue du Sud que du point de vue du Nord. Faut dire que présenter les gens du Sud, c'est aussi présenter des victimes, une forme de résistance, un héroïsme, vous savez, les propriétés qu'on veut sauver, et puis les valeurs du Sud et tout. Bon, la population américaine étant ce qu'elle est, on n'est pas allé que vers les gagnants, il faut bien dire. Mais il y a plus de films autour, ou de séries télé autour de Grant que de Lee, par exemple. Donc, oui, quand même. Mais dans le cas de Birth of the Nation, on voit un rebondissement assez curieux une centaine d'années plus tard, puisqu'en 2016 sort maintenant un film qui s'appelle Birth of the Nation, donc le même titre qu'à l'époque, mais cette fois-ci, c'est pour évoquer au 19e siècle la résistance de la population noire et sa mobilisation face à l'esclavage. Ouais. Petite parenthèse, on sort de nos catégories de films, mais un mot quand même, parce que c'est une histoire absolument extraordinaire. Celle qui jouera dans le rôle de la bonne Autant en emporte le vent, l'actrice A.T. McDaniel, qui sera la première noire oscarisée, c'est vraiment en soi une histoire qui vaut le détour. Oh, voyons, Mlle Scarlett, soyez mignonne et mangez au moins quelque chose. Non! J'ai l'intention de bien m'amuser aujourd'hui et de manger comme un ogre au pique-nique. Si ça vous est égal ce que les gens peuvent penser de votre famille, pas moi. Oh, je vous ai dit et redit que pour avoir l'air d'une jeune fille convenable, il fallait manger en public comme un petit oiseau. Et moi, je tiens pas à ce que vous alliez chez M. Jonsvilsk pour vous tenir comme une fille de ferme et vous gaver comme un goy. Ta-ta-ta! Ashley Wilkes m'a dit qu'il aimait les femmes qui avaient un solide appétit. Ce que les messieurs disent et puis ce qu'ils pensent, c'est pas la même chose. Et je me rappelle pas que monsieur Ashley vous ait demandé en mariage. Alors, un tout petit extrait d'Autant en emporte le vent. Elle tiendra de nombreux rôles, toujours de domestique ou à peu près, A.T. McDaniel. Mais quand même, première noire oscarisée en 1940, second rôle dans Autant en emporte le vent. Un tout petit mot parce que c'est une histoire extraordinaire. Rappelons que cette femme, Mme McDaniel, est une fille d'esclave. Donc déjà, dans son histoire, ben, il y a quelque chose de la guerre de sécession. Et donc... de l'affranchissement qui va venir de la guerre de sécession. D'autre part, à la première du film à Atlanta, qui était un événement énorme. C'est une journée de congé à Atlanta parce qu'on a fait une immense première. Faut dire que c'est le plus grand succès du cinéma américain. Autant en emporte le vent. C'était un théâtre, la salle Fox, ségrégationniste. Donc, elle n'a pas pu y entrer. Et les autres acteurs, ont discuté entre eux pour voir est-ce qu'ils boycottaient la première et tout. Bon, finalement, ils sont allés. Mais elle a été interdite de présentation. Après quoi, donc, elle va remporter l'Oscar du second rôle et donc renverser la vapeur. C'est donc une fille d'esclave, interdite à la première, qui remporte un Oscar. Tout se trouve dans l'histoire de Mme McDaniel. Deuxième catégorie de films qui traitent de la guerre de sécession, ces films qui sont carrément, Michel Coulombe, des plaidoyers contre la guerre. Un premier exemple qui nous vient tout de suite en tête, le film Shenandoah. Ben, il suffit de dire que le film a été fait en 1965. 1965, on est au moment de la guerre du Vietnam. C'est un débat qui fait rage aux États-Unis. Donc, on se sert de cette histoire avec James Stewart, des fils qui vont ou qui ne vont pas à la guerre, pour dire, ben voilà, la guerre est une chose effrayante et il faut s'en inquiéter. Et même des amis qui se trouvent dans les deux camps, on va se trouver dans cette situation-là, n'est-ce pas absurde? Et ça parle aux Américains. Une guerre lointaine, c'est une chose, d'autant qu'on avait moins d'images à l'époque, en 1965, qu'on en a aujourd'hui, des guerres. Une guerre lointaine, c'est une chose. Une guerre dont on peut dire, ben voilà, ce sont des gens qui se ressemblent et qui se tirent les uns sur les autres. Comme c'est absurde, on s'est servi de la guerre de sécession pour parler de la guerre du Vietnam. Le bon, la brute et le truand, certains auditeurs reconnaissent certainement la musique de ce film de Sergio Leone en 1966. Pourquoi ce film-là? Parce que c'est le troisième film de la trilogie du dollar de Sergio Leone, et en fait, c'en est le préambule, situé pendant la guerre de sécession, et l'un des personnages dit, parlant de cette guerre, « Je n'ai jamais vu tant de gens mourir si mal », c'était le propos de Sergio Leone, la raison pour laquelle il a fait le film. Il faut dire qu'il a qualifié littéralement, au moment de la promotion du film, cette guerre d'une guerre stupide, et il a rappelé son point de vue à lui. « J'ai grandi pendant le fascisme, disait-il, je sais ce que c'est que cette intolérance, je sais ce que c'est que ce type de régime oppressant, ce que ça peut faire que d'être amené à la guerre bêtement, et je veux dénoncer. » Et donc, dans le film, il y a des évocations très claires de la façon dont on a procédé bien après l'histoire du film et bien avant, effectivement, le moment où il est tourné. Ouais. La façon dont ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, la dévastation. Et tout ça est évoqué dans le film pour dire à quel point la guerre est absurde. Il va aller jusqu'à montrer, par exemple, des personnes qui voient venir au loin des soldats. Mmh. Et puis là, on attend. Et puis on attend. Parce que les soldats, ils se ressemblent tous. Et là, il faut attendre de voir la couleur de l'uniforme pour savoir si ce sont les nôtres ou les autres. Mais dans le fond, les nôtres ou les autres, dans ce cas-là, ils parlent tous anglais, ils sont tous américains, mais ils sont dans notre camp ou dans l'autre. C'est une dénonciation très, très claire, évidemment, avec la nature spectaculaire à la Leone aussi, bien sûr, de Sergio Leone, mais beaucoup de sadisme, de brutalité. C'est très, très clair dans son esprit que c'est une dénonciation. D'ailleurs, il s'est rendu au Congrès américain parce qu'il voulait parler d'un événement qui s'est produit spécifiquement au Texas. Et les gens des archives lui ont dit « Non, non, monsieur, vous vous trompez. » Ils ont constaté qu'effectivement, il y avait eu un affrontement autour d'une mine d'or. Et c'est donc le cœur de son propos dans ce film-là. C'est intéressant parce que c'est le seul exemple qu'on aura aujourd'hui où c'est le point de vue de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui s'intéresse quand même à cette fameuse guerre de sécession aux États-Unis. Il parle notre langue? J'en sais rien. Qui êtes-vous? Lieutenant John D. Dunbar. Je suis arrivé de Fort Hays en avril dernier. Il n'y avait personne. Troisième et dernière catégorie de films touchant la guerre de sécession, Michel Coulombe, les films où la guerre de sécession n'est ni plus ni moins qu'une espèce de toile de fond, dont celui, l'extrait qu'on vient d'entendre, « Il danse avec les loups » de Kevin Costner en 1990. Oui, effectivement, ce sera le nom d'ailleurs du personnage, « Danse avec les loups », parce qu'il a ce rapport particulier avec un loup, le personnage tenu par Kevin Costner. C'est un homme qui est plutôt suicidaire au début, qui va se retirer, s'occuper d'un fort, et puis entrer en contact avec les Sioux. Donc là, on a l'intégration des Premières Nations, ce qui se fait quelques fois, mais qui va mettre du temps à se faire dans le cinéma américain, il faut bien le dire, parce que, on les tuait pour conquérir l'Ouest, ça a été ça pendant longtemps, c'était le rapport qu'on avait aux Premières Nations, et dans ce cas-ci, ce sera une grande histoire d'amour aussi, une alliance avec les gens des Premières Nations, mais donc un regard un peu en retrait de cette grande guerre qu'est la guerre de sécession. Autre exemple, et on retourne pour une deuxième fois à l'époque du muet, le mécano de la générale. Grand, grand film de Buster Keaton. Imaginez un homme qui travaille pour une compagnie ferroviaire et il aime beaucoup son train. Comme il aime beaucoup son train, il va pas faire la guerre, il va s'occuper de son train, mais il aime aussi Annabelle. Mais Annabelle l'aime beaucoup moins parce qu'il veut pas faire la guerre. C'est un homme du Sud. Mmh. Or, il va devoir sauver à la fois le train et la belle qui est dans le train. Donc, c'est la totale et elle va finalement retrouver une certaine foi en lui et se dire que voilà, c'est un grand homme. Mais vous voyez donc dans un registre qui est celui aussi d'une forme de comédie, parce qu'il y a ce type de slapstick qu'on trouve chez Buster Keaton, on rattrape ces sujets-là. On est donc à la période du muet avec la scène la plus coûteuse de l'histoire du cinéma muet, parce que littéralement, et essayez de trouver ça, aller sur Internet, ça vaut vraiment le coup, un train donc qui traverse une rivière, donc c'est un pont suspendu, et le train va tomber dans le ravin. On pouvait faire qu'une seule prise, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà autre chose, mais à l'époque, il tombait, puis une fois que c'était fait, reconstruire, c'était un peu compliqué, mais donc, effectivement, on a reconstitué une partie de cette guerre pour le film Le Mécano de la Générale. On termine, on boucle un peu la boucle avec cet incontournable Autant en emporte le vent. Film mythique. Oui, là on est dans une grande histoire du Sud autour de Scarlett O'Hara. Vous savez que la comédienne Vivien Leigh a été choisie parce qu'il y avait toute une problématique, hein, à savoir qui on allait choisir pour ce grand rôle. Il faut dire que c'est une adaptation d'un roman. Et c'était tout pour les gens du Sud, sauf une Yankee. Ça ne pouvait pas être une femme du Nord qui interprète. Et donc c'est une Anglaise. Mais une Anglaise, c'était de beaucoup moins pire qu'une femme du Nord. Ça vous dit à quel point, on est en 1939, ces événements de la guerre de sécession ont laissé des traces dans l'esprit américain. Et donc, c'est l'histoire d'une femme avec un tempérament, je dirais, assez trempé pendant cette guerre, avec effectivement l'incendie d'Atlanta qui est montré, avec les champs de bataille, tout ça. Mais cette femme qui veut sauver sa propriété, qui aura un premier mari, et puis un deuxième, et puis un troisième, finalement, mais qui va essayer de faire sa place dans ce monde-là, avec une compréhension du monde qui est celle des gens du Sud à cette époque-là, en faisant bien attention, parce que déjà, par rapport à Naissance d'une nation, on avait pris une distance, de garder le Ku Klux Klan en marge de l'histoire. On va à des réunions politiques, on peut se douter que ces réunions-là ont cette couleur, mais on ne le dit pas aussi clairement. C'est évoqué, c'est gardé en périphérie du récit. Est-ce qu'il y a, pour terminer l'émission, Michel, est-ce qu'il y a un autre thème historique qui a été aussi présent au cinéma américain que la guerre de sécession? Je dirais au moins deux événements qui ont trait à la guerre. D'une part, la guerre du Vietnam. On faisait certains films qui n'avaient pas de distance, évidemment. Aussitôt après, la situation a évolué. Maintenant, on peut faire autre chose. Mais Apocalypse Now est clairement un film qui a été fait après la guerre du Vietnam, alors que Les Bérets Verts de John Wayne est un film militant, patriotique, qui a été fait pendant. Et puis aussi, la question des Juifs et de leur extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale est un sujet qui revient, qui rebondit, qui hante l'esprit américain. C'est aussi une alliance politique qui amène ça. Mais cette horreur-là est ramenée régulièrement. Et souvent, on se dit, et ça vaut pour la guerre de sécession, ça vaut pour la guerre du Vietnam, ça vaut pour l'extermination des Juifs. Tiens, on a fait le tour du sujet et puis on trouve un nouvel angle. On retrouve une façon de parler de ces événements-là et de le faire de façon originale. Ouais. En tout cas, on vient peut-être de trouver un autre sujet d'émission, un ou deux. Mais en tout cas, moi, la guerre du Vietnam au cinéma américain, ça m'intéresserait beaucoup, Michel Coulombe. Merci beaucoup. C'est noté. Merci, Michel. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma, co-auteur du Dictionnaire du cinéma québécois. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp, la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.